Moi, j'ai peur de mourir, moi. Faut que je marche droit, moi. Je veux plus faire de mal, moi. Pourquoi eux réussissent, hein? Pourquoi je réussirais pas, moi? Moi, je suis pas comme toi, moi. J'ai peur de mourir, moi. Faut que je marche droit, moi. Je veux plus faire de mal, moi. Pourquoi eux réussissent? Pourquoi je réussirais pas? J'écris mes textes enfermés dans ma piole, la tête masquée. Je traîne dans le hall. Je fais rimer les voyelles, pleurer les consonnes. 2008, c'est trois gonzesses pour un homme. Le cœur déchiré à la cisaille. Ici, c'est trop laid, faut que je me taille. J'ai cru voir le bonheur, mais c'était un mirage. Pas le PMI, mais je m'engage dans le virage. Je fais tout de travers, ma vie à la scoliose. Dieu merci, j'en suis pas là, m'injecter des doses. Faut que je tienne le coup, ouais. Faut pas je me rabaisse, même si d'après toi, mes sons sont des échecs. Moi, j'ai peur de mourir, moi. Faut que je marche droit, moi. Je veux plus faire de mal, moi. Pourquoi eux réussissent, hein? Pourquoi je réussirais pas, moi? Moi, je suis pas comme toi, moi. J'ai peur de mourir, moi. Faut que je marche droit, moi. Je veux plus faire de mal, moi. Pourquoi eux réussissent? Pourquoi je réussirais pas? Troisième son, le thème c'est le même. Troisième fois que je vous annonce que je saigne. Mon stylo commence à s'user, j'aimerais être manchot. Pour ne jamais avoir à tirer. J'ai touché le fond, mais je creuse encore. Des frissons, le temps est négatif dans mon corps. Dans mon or, en plein été, y'a de la neige. Alors j'allume mon pilon pour me réchauffer les orteils. Pour pas que ma tête n'affiche mes soucis. Je me suis collé au visage le masque du sourire. Dans le même cas que Gérald, pourquoi je fais du rap? Je le sais toujours pas. Moi, j'ai peur de mourir, moi. Faut que je marche droit, moi. Je veux plus faire de mal, moi. Pourquoi eux réussissent, hein? Pourquoi je réussirais pas, moi? Moi, je suis pas comme toi, moi. J'ai peur de mourir, moi. Faut que je marche droit, moi. Je veux plus faire de mal, moi. Pourquoi eux réussissent? Pourquoi je réussirais pas? Arrêtez de me demander la pêche ou quoi. Ça irait, t'aurais jamais eu mon son dans ton MP3. Y'a que la bouteille ou la musique pour se confier. Demande à Jacques Daniel si tous mes problèmes il les connaît. Les lunettes quartier pour cacher les larmes. Car le quartier est rongé par le mal. Chez moi, les étoiles filantes se font rares comme un clochard souriant. Je nettoie mes peines à l'encre bleue, sort du A4. Venu kicker les grosses merdes qui inondent nos baffes. Je veux pas le trône ni finir milliardaire. Juste un peu d'espoir sur la gueule de mes frères. Moi, j'ai peur de mourir, moi. Faut que je marche droit, moi. Je veux plus faire de mal, moi. Pourquoi eux réussissent, hein? Pourquoi je réussirais pas, moi? Moi, je suis pas comme toi, moi. J'ai peur de mourir, moi. Faut que je marche droit, moi. Je veux plus faire de mal, moi. Pourquoi eux réussissent? Pourquoi je réussirais pas? Moi, j'ai peur de mourir, moi. Faut que je marche droit, moi. Je veux plus faire de mal, moi. Pourquoi eux réussissent, hein? Pourquoi je réussirais pas, moi? Moi, je suis pas comme toi, moi. J'ai peur de mourir, moi. Faut que je marche droit, moi. Je veux plus faire de mal, moi. Pourquoi eux réussissent? Pourquoi je réussirais pas?